Chapitre 3. Maintenant, Annonciade avait ses occupations réglées dans la demeure paternelle. Elle faisait travailler Agnès, à qui l'institutrice de Brahe donnait jusqu'alors des leçons. En outre, maintes besognes ménagères lui incombaient. Elle s'y adonnait complaisamment, heureuse de rendre service, de compenser ainsi la gêne que sa présence pouvait apporter dans cet intérieur. Courageusement, elle essayait de dominer son chagrin, son regret des chaudes affections perdues que rien, hélas, ne lui semblait devoir remplacer. Madame Le Hennec continuait de lui témoigner une bienveillance autoritaire et un peu sèche. Agnès avait une nature renfermée, assez froide. Ses frères étaient internes dans un collège de Quimper. Quant à M. Le Hennec, elle ne le voyait guère et savait déjà qu'elle ne pouvait compter que sur son indifférence. Enfermée dans la grande pièce sombre qu'il appelait son cabinet de travail, occupée tout le long du jour à compulser des ouvrages d'archéologie et d'ethnographie, il n'apparaissait qu'au repas, distrait, ne s'intéressant à rien en dehors de ses études et s'apercevant à peine de la présence de sa fille aînée. Madame Le Hennec dit un jour à Annonciade « Si je n'avais pas été là, votre père serait ruiné maintenant. En dehors de ses paperasses, il ne s'entend à rien. Heureusement, j'ai su prendre en main la direction de la barque. Mais jamais je n'ai pu le décider à chercher une situation qui aurait augmenté nos revenus et il m'a fallu, en fin de compte, le laisser à ses recherches inutiles. » Annonciade n'avait pas été longue à remarquer l'indolence, le tranquille égoïsme de son père, son inaptitude pour les questions matérielles et pour la direction de ses enfants. Mais il savait être aimable, causeur agréable et plaisait fort aux étrangers. Ainsi avait-il séduit autrefois Madeleine Labarède et, après celle-ci, l'impérieuse Marque de Quénédan, devenue Madame Le Hennec, ce dont elle s'était probablement repentie assez vite, si Annonciade en croyait certaines réflexions amères échappées à sa belle-mère quand débordait son impatience devant l'inertie du chef de famille. Madame Le Hennec avait une nombreuse parenté. Des oncles et tantes, des cousins, habitaient près de Brahe. Sans cesse, on voisinait. Bien que traitée par tous avec cordialité, Annonciade se sentait gênée au milieu de cette famille qui n'était pas la sienne. À ces moments-là, elle ressentait avec plus de force l'impression d'être de trop et son isolement moral. D'ailleurs, ces gens, tout occupés de leurs affaires, de leurs petits potins et plaisirs de clan et de province, ne s'intéressaient guère à la jeune étrangère timide, un peu grave, toujours réservée. Seuls les jeunes gens, attirés par sa beauté, auraient été fort empressés auprès d'elle si elle l'eût voulu. Mais l'intérêt, l'admiration qu'elle voyait dans ses regards d'homme l'effrayait maintenant et la raidissait en attitude défensive. Aussi, très vite, eut-elle une réputation de froideur et de fierté parmi la jeunesse de Brahe. À l'église, le dimanche, elle apercevait Madame de Pandelon et sa fille. Parfois, dans la semaine, elle voyait cette dernière à une messe matinale. Agenouillée dans une petite chapelle sombre, Rhin, le buste ployé, le visage entre ses mains, demeurait immobile, presque confondu en sa toilette foncée avec les vieilles boiseries et les tableaux noirâtres qui couvraient le granit des parois. En sortant, Annonciade se rencontrait avec elle. Brièvement, elles échangeaient quelques mots. Mais tout en se disant qu'elle devait sembler étrange et impolie, Annonciade n'osait demander à Mademoiselle de Pandelon des nouvelles de son frère, dans la crainte de rougir encore et de laisser voir son émotion. Avril était venu, avec ses brises par voies attiédies qui passaient sur la côte en se parfumant au pain et au varec. Le jardin de la maison Le Hennec, un vieux jardin à charmilles et à plates-bandes bordées de buis, perdait son triste aspect hivernal. Les violettes l'embaumaient et Annonciade en cueillait pour mettre devant l'ancienne petite statue de la Vierge à portée de la Bastide où elle se trouvait dans la chambre des grands-parents. Madame Le Hennec lui abandonnait maintenant tout le soin de l'instruction d'Agnès. Celle-ci, intelligente et studieuse, profitait largement des leçons de sa sœur aînée. Elle devait, en octobre, entrer comme interne dans une institution de Quimper où Madame Le Hennec espérait faire agréer comme professeur Annonciade, désireuse de trouver une situation. Un après-midi, tandis qu'assise avec Agnès sous une charmille, la jeune fille lisait à haute voix des passages de Bérénice de Racine, Madame et Mademoiselle de Pandelon apparurent, venant rendre visite à Madame Le Hennec. La marquise, l'ayant priée de continuer, s'extasia ensuite sur sa voix pure, bien timbrée, sur sa diction parfaite. « Voilà en vérité la lectrice idéale. Jamais je n'ai pu en découvrir une semblable. » Elle ajouta en riant, « Il est vraiment dommage, ma chère enfant, que vous ne soyez pas à la recherche d'une situation, car je vous en aurais bien vite offert une. » Quand elle se retira, elle s'arrêta un long moment dans le vestibule pour causer avec Madame Le Hennec et la quitta sur ces mots. « Eh bien, venez me voir, nous en parlerons plus à l'aise. » Comme le lendemain, annoncia de travailler dans la salle à manger vers la fin de l'après-midi, sa belle-mère entra en toilette de sortie et vint s'asseoir près d'elle. « Devinez ce qu'on vient de me proposer pour vous, annonciade. Ce sera facile, étant donné l'allusion faite hier par Madame de Pandelon. » Interrompant le mouvement de son aiguille, annonciade attacha sur elle un regard surpris. « Eh oui, vous l'intéressiez comme lectrice. C'était une occasion à ne pas laisser échapper. Je lui ai donné à entendre qu'elle pouvait nous adresser des offres. Elle n'y a pas manqué aussitôt, car elle s'est vraiment engouée de vous, ma chère. Donc, elle vous demande de venir à Guerlac chaque après-midi, sauf le dimanche, pour tenir à jour sa correspondance et lui faire la lecture. » Annonciade ne put retenir un mouvement de stupéfaction en devenant très rouge. « Moi, elle veut que... » Madame Le Hennec poursuivit tranquillement. « Elle vous offre une excellente situation et vous ne travaillerez que 3 ou 4 heures par jour. Ainsi se trouvera grossi votre modeste revenu, sans fatigue, sans ennui, car cette situation sera véritablement une sinécure. » « Mais, ma mère, il n'était pas du tout question. Je n'avais pas idée que vous cherchiez pour moi. » « Non, je ne cherchais pas, mais puisqu'une occasion se présente, il convient de la saisir. » Madame Le Hennec se tut avec un sourire satisfait. Annonciade attendit un instant avant de parler, parce qu'une émotion pénible l'étouffait. Puis elle dit lentement, « Eh bien, ma mère, si tel est votre désir, je serai la lectrice de Madame de Pandelon. » Quand Madame Le Hennec fut sortie, Annonciade appuya son coude sur la table placée près d'elle et mit son visage entre ses mains. Elle songeait avec un frisson, « Pourvu que je ne le revoie pas, que je ne le rencontre pas, en allant ainsi chaque jour chez lui !» Madame Le Hennec ne s'était pas trompée en qualifiant de sinécure le nouvel emploi de sa belle-fille. Madame de Pandelon désirait surtout une aimable et jolie compagne qui viendrait rompre chaque jour, pendant quelques heures, la monotonie de son existence. Car, fort mondaine autrefois, lasse et souffrante depuis quelques années, elle n'avait su ni voulu se créer aucune occupation sérieuse, ou même seulement intéressante, et elle s'ennuyait à mourir dans cette solitude du vieux manoir dont elle n'osait s'éloigner depuis que Wenaël s'y confinait dans un farouche désespoir. Entre Rhin et elle, il n'existait aucune affinité de goût, de pensée. Madame de Pandelon en fit la confidence à sa jeune lectrice le premier jour où celle-ci vint prendre son poste. Et elle ajouta, « Je ne sais vraiment tout, la pauvre enfant a été prendre ce physique et cette nature. Dans la famille, nous avons une réputation de beauté, d'affabilité. Quant aux Pandelons, on dit d'eux, en Bretagne, que tous les dons sont répandus sur leur berceau par la fée Mélusine. » « Puisque vous connaissez mon fils, vous avez pu voir qu'il les a reçus à profusion, ses dons précieux. » Le salon était sombre, Madame de Pandelon un peu myope et Rhin absente. Annonciade bénit toutes ces circonstances en sentant qu'elle rougissait. Il lui fallait cependant apprendre à réprimer cette émotion qui l'étreignait chaque fois qu'il était question du marquis de Pandelon. Car, naturellement, elle en entendrait parler plus d'une fois, ici, où il vivait, souffrant et désespéré. De fait, ce fut un des principaux sujets de conversation chaque après-midi, parce qu'Annonciade avait connu Wenaël, la mère sincèrement affectée, car toute sa tendresse se portait sur ce fils dont elle était orgueilleuse, se plaisait à parler devant elle de ses inquiétudes, à rappeler en soupirant les années heureuses, au cours desquelles Wenaël, charmeur et adulé, passait insouciant à travers la vie qui lui prodiguait ses plaisirs. Les défauts de son fils, elle ne les voyait pas, elle ne les avait jamais vus, bien qu'elle eût souffert parfois de son indifférence, de son égoïsme, fruit d'une éducation fondée sur le seul culte du moi. Wenaël demeurait toujours son idole. Complaisamment, elle parlait de ses succès mondains, de son intelligence, de ses goûts raffinés, tandis qu'Annonciade brodait près d'elle, silencieuse, le cœur gonflé d'émotions tristes. Parfois aussi, Madame de Pandelon interrogeait la jeune fille sur le séjour de Wenaël à la Bastide. Annonciade répondait brièvement. Elle disait « Monsieur de Pandelon se promenait beaucoup. Il causait souvent avec mon grand-père. » Mais elle ne parlait jamais d'elle-même. Peu observatrice, Madame de Pandelon ne remarquait pas le frémissement de ce jeune visage, l'ombre douloureuse voilant un instant les yeux purs. Quand Rennes était là, ces indices ne passaient pas inaperçus pour elle, s'il fallait en croire à l'intérêt plus profond dont s'animait son regard en s'attachant sur Mademoiselle Le Hennec. Sans ces trop fréquents rappels du souvenir qu'elle s'efforçait en vain de repousser, et la pensée qu'il était là, si près d'elle, tourmenté par la souffrance, cette situation eût paru assez agréable à la jeune fille. Certes, la conversation de Madame de Pandelon, quand il n'était pas question de son fils, lui paraissait fort insignifiante, mais la châtelaine se montrait aimable, banalement aimable, comme elle savait l'être quand on lui plaisait. Le travail se réduisait à peu de choses en dehors de la lecture. En outre, Annonciade appréciait la sobre magnificence du cadre où elle passait une grande partie de l'après-midi et se plaisait dans la vieille demeure, à l'extérieur si rude, superbement seigneuriale à l'intérieur, où les marquis de Pandelon avaient su réunir, au cours des siècles, de précieuses richesses artistiques. Mais surtout, Rennes lui inspirait la plus vive sympathie. Sous sa réserve, sous ses longs silences, elle sentait battre un cœur triste et ardent, un cœur souffrant. Elle comprenait aussi, en entendant parler Mademoiselle de Pandelon, que celle-ci n'était pas une créature inintelligente, comme on le prétendait. Il s'en fallait même de beaucoup. Mais elle restait volontiers silencieuse, se livrait difficilement, dédaignait l'art de parer ce qu'elle disait. Ainsi s'était créée la légende. Cependant, Annonciade, au bout de 15 jours, n'ignorait plus que Rennes de Pandelon avait acquis de fortes connaissances et qu'elle savait exprimer ses idées en un langage bref, mais d'une singulière originalité. Il lui fallait seulement, pour atteindre à ce résultat, des interlocuteurs sympathiques, ainsi qu'elle le confia un jour à Annonciade. Elle la reconduisait le long de l'allée jusqu'à la grille. Un grand vent de mer soufflait, couchant les hautes cimes des pins qui craquaient sourdement. Les nuages, bas et sombres, glissaient rapidement sur le ciel en s'enfuyant vers les terres. Annonciade, encore sous l'influence d'une réflexion très profonde faite tout à l'heure par Mademoiselle de Pandelon, dit à celle-ci « Pourquoi parlez-vous si peu, mademoiselle? Votre intelligence renferme des trésors que vous dérobez jalousement. » Rennes sourit. Son visage ingrat s'éclaira un instant d'une joie fugitive. « Pauvres trésors, mais tels qu'ils sont, je les cache souvent en effet. Voyez-vous, je suis ainsi faite que tout en moi, l'intelligence, le cœur, se replie devant l'indifférence, devant la politesse banale, sous laquelle je sens trop souvent le dédain ou l'ironie qu'inspire ma laideur. Il me faut la chaleur d'une sympathie véritable pour que je me sente un peu moi-même. Cette sympathie, je la trouve chez vous. J'ai compris que vous voyez plus loin que les autres, plus loin que la disgrâce physique de la pauvre Rhin. » Elle prit la main d'Annonciade, qui l'étreignit fortement. Sur les jeunes filles arrêtées dans l'allée, un coup de vent passa et mugit entre les cimes des pins. Pendant un moment, le souffle leur manqua. Quand la rafale s'apaisa, Annonciade dit avec émotion « Oui, vous avez bien compris, mademoiselle. J'ai senti que vous étiez bonne et qu'on vous connaît bien peu telle que vous êtes. » La tristesse pensive se répandit de nouveau dans le regard de Rhin. « Oui, bien peu. » L'amertume perçait dans son accent. « Pas même ma mère, ni mon frère. » Annonciade essaya d'affermir sa voix pour demander « Il n'a pas d'affection pour vous ?» Rhin secoua la tête. « Non, il n'en a pour personne d'ailleurs. » Elle laissa passer un court silence pendant lequel son regard effleura le visage d'Annonciade qui se tendait pour réprimer les marques extérieures d'émotion. Puis elle ajouta pensivement : « Du moins, je ne crois pas qu'il en ait pour d'autres que lui-même. »